Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Donc, à sa mort, en 657, Clovis II transfère la régence à sa femme Berthilde, secondée par le vieux Archambault. Celui-ci meurt en 658. Son fils Landésus reprend la mairie du palais, mais par un concours de circonstances que les circonstances de l'histoire ne permettent pas d'éclaircir complètement, les grands du royaume de Neustrie et de Bourgogne lui préfèrent Ébroin, un homme du palais. Le chroniqueur Frédéguer prétend que c'est parce que les Neustriens et les Bourguignons auraient senti le vent tourner en faveur des intérêts austrasiens. Et donc il se serait choisi un maire du palais profondément opposé et hostile à l'hégémonie, à la montée en puissance de l'Austrasie. En effet, en Austrasie, la famille des Pépins quadrille le pays. Elle a de nombreux alliés en Neustrie et en Burgondie. Avec l'armée royale dont elle dispose, elle étend son domaine d'influence à l'est, au-delà du Rhin, en territoire alamand, saxon et thuringien. Le clan a installé sa capitale à Cologne, d'où elle entreprend, en communion de pensée avec l'archevêque de la ville, une entreprise de conversion des populations orientales. Avec ces populations, d'ailleurs, elle entretient des rapports ambigus, faits d'une succession de guerres et de paix. Elle y recrute aussi la plupart de ses mercenaires, qui viennent grossir les rangs de son armée privée. Leurs adversaires, comme les Neustriens, ne cessent de dénoncer aux représentants de l'Église leur trop grande proximité avec ces populations païennes. Mais c'est sans compter que les Pépinides ont eu le temps de mettre leurs meilleurs alliés, à la tête de tous les couvents, de tous les diocèses, de tous les monastères et de toutes les institutions prestigieuses que compte le royaume d'Austrasie, et même le Regnum Francorum. Et du point de vue des relations avec le pape, celles-ci sont excellentes. Donc, comme un chien de chasse qui a trop longtemps rongé son frein, Ébroin se lance à l'assaut de la citadelle pépinide. Sa première victime, c'est Childebert III, dit l'adopté, fils de Sigebert III, que d'aucuns attribuent à Grimoald. Childebert est assassiné en 662. Ébroin obtient des grands du royaume d'Austrasie de placer sur le trône Childéric, le second fils de Clovis II. Il fait élire à l'unanimité, le maire du palais Wulfoald, un noble franc issu d'un clan alsacien anti-pépinide. À cette date, Clotaire III est roi de Neustrie et de Bourgogne. Childéric II, roi d'Austrasie, et Thierry, futur Thierry III, est trop jeune pour régner. Mais quand Clotaire III meurt en 673, Ébroin décide de placer sur le trône de Neustrie et de Bourgogne le jeune Thierry, plutôt que de donner ce trône à son frère aîné qui occupe déjà le trône d'Austrasie, Childéric II. Suivant ses conseillers austrasiens, dont l'évêque d'Autun, Léger, évêque d'une ville bourguignonne mais issu d'un clan austrasien, Childéric II, roi d'Austrasie, avec son maire du palais Wulfoald, se dirige avec toute son armée à Paris pour réclamer les droits à la couronne de Neustrie et de Burgondie, en plus de l'Austrasie. Il semble que l'on passe à une nouvelle règle de succession, d'ailleurs, avec un droit de primogéniture exorbitant qui va marquer les lois successorales jusqu'à la fin de la monarchie en 1830. Donc, avec son armée austrasienne bien encadrée, richement équipée et grossie de nombreux régiments thuringiens, bavarois, saxons, frisons et angles, l'annexion est bientôt totale. Childéric II compte régner à partir de Paris, où il s'installe. Il dépose Thierry III, le tonsure, et l'envoie à Saint-Denis. Quant à Ébroin, il le capture et l'envoie méditer dans l'austère abbaye bourguignonne de Luxeuil, fondée par le non moins austère Saint-Colomban. Mais Childéric II, du genre impétueux et colérique, se met rapidement à dos les grands du royaume, d'Austrasie et de Bourgogne. La fustigation, c'est-à-dire la flagellation de Baudilon, un noble bourguignon, lors d'une scène particulièrement humiliante, signe son arrêt de mort. Il est assassiné avec sa femme, Bilchild, enceinte, et son fils Dagobert, un soir dans une clairière de la forêt de Logne, où il était parti chasser. Tous les Austrasiens présents en Neustrie, armée, administration, partisans, se replient à Metz. Dans la précipitation et sur les conseils de Wulfoald, il décide de faire revenir d'Irlande Dagobert, le fils de Sigebert III d'Austrasie et de Chimnéchild, pour le hisser sur le trône d'Austrasie. Wulfoald est confirmé comme maire du palais et tout semble rentrer dans l'ordre. Mais Ébroin ne l'entend pas de cette oreille. Le voici qui sort de Luxeuil, accompagné d'une forte escorte et d'un prétendant au trône d'Austrasie, un certain Clovis III, soi-disant fils de Clotaire III. Mais l'imposture est si grossière qu'Ebroin laissera rapidement tomber sa créature, un faux mérovingien qui connaîtra une fin tragique d'ailleurs. Ebroin, qui a en tête l'avertissement de l'évêque Ouin, qu'il a entendu au moment où il est sorti de Luxeuil, souviens-toi de Frédégonde, qui est peut-être une invitation à la clémence, se range alors à la position de Wulfoald, reconnaît Dagobert II comme roi d'Austrasie, et met sur le trône de Neustrie et de Bourgogne Thierry III, dont il devient le maire du palais, après avoir fait quand même assassiner Landésus. De sources pro-neustriennes comme pro-austrasiennes, Ebroin semble avoir été connu pour sa cruauté. Considérant l'évêque d'Autun Léger comme complice de Childéric II, à qui il avait conseillé la guerre, il le soumet à la torture, lui fait crever les yeux, arracher la langue et les lèvres. Le pauvre homme est recueilli par l'abbaye aux femmes de Fécamp, où son rayonnement est tel qu'il attire à lui de nombreuses personnes, dont des opposants résolus à la politique d'Ebroin. En cause de quoi, Ebroin finit par l'assassiner discrètement à la lisière d'une forêt près de Lucheux, au lieu évocataire de Sus-Saint-Léger, le 12 octobre 679. Le maire du palais convoque, même si la convocation porte le nom de Thierry III, peu de temps après, un synode pour proclamer la condamnation mémoriée de Léger, condamnation qui sera rapidement cassée par un autre synode convoqué par les Pépinides. Donc nous avons vu un peu comment finalement Ebroin avait réussi à rétablir dans une certaine mesure la puissance de la Neustrie, l'hégémonie de la Neustrie sur l'Austrasie. Mais cela ne va pas durer très longtemps. En 679, Dagobert II, dit le Saint, est assassiné avec sa femme dans une autre forêt, celle de Vouer, près de la Meuse, là où a commencé la guerre de succession lorsque les armées neustro-bourguignonnes et les armées austrasiennes de Childéric II s'étaient affrontées pour la première fois. Si cette date correspond à une nouvelle unification du Regnum Francorum, puisque avec la mort de Dagobert II, il n'y a plus de prétendants au trône d'Austrasie, le seul prétendant est Thierry III, qui est déjà, lui, roi de Bourgogne et de Neustrie. Eh bien, si cette date donc correspond à la nouvelle unification du Regnum Francorum sous la seule couronne de Thierry III, et peut-être à une nouvelle ère de prospérité, en réalité, on assiste au chant du cygne de la dynastie mérovingienne. Quoiqu'écartés de la mairie du palais, les Pépinides n'ont pas dit leur dernier mot, espérant son retour en grâce, le puissant clan familial avance ses pions. C'est l'objet de notre prochain podcast. Merci et à bientôt.